Baby girl, t'es spécial. J'ai tellement de projets écrits juste pour nous, comme visiter les étoiles. J'suis ton king, baby, j'suis ton prince charmant. Comme t'es trop bonne, on a reçu signalement. Juste pour rester avec toi, bitch, j'peux me faire les ligaments. Spécial, baby, t'as la robe pour éteindre. Spécial, j'veux t'accrocher comme une épingle. Spécial, puis j'ai la Rolex pour t'attendre. Même si j'voulais partir loin, ça va. C'est toi qui me donnes. Sera toujours la plus belle de l'événement. C'est toi qui...